part je vais combattre avec mon beau carrosse que j'ai fait de mes propres mains. Je pars avec ce qui s'appelle avoir la rage aux dents. Je pars, je vais rejoindre l'armée des rois errants. Et toi tu déambules dans les rues de mon carrosse pendant que les carillons de ton église me font jeûner. Papa da da di da da da, papa da di da di da da da, papa da di da da da da da, da da da da da da. Je n'ai laissé sur ma porte que mes clés, que mes armes et mes rêves de guerrier. Et je compte aller au bal nu comme un ver, sans masque, sans armure, au pied du mur de la liberté. Mon carrosse est détruit par cette église sans foi, par ces gens trop sages au visage grimaçant. Je ne vois maintenant que des visages fardés de suie dans cette nuit de chauve-souris où des poussières sont tombées sur mon lit. Des poussières de rêve, des morceaux de chair, des lambeaux de vie, des lambeaux de liberté. Papa da di da di da da da, papa da di da di da da da, papa da di da da da da da, da da da da. Et toi tu déambules dans les rues de mon carrosse pendant que les carillons de ton église me font jeûner.